Hier c'est moi qui étais à 100 degrés, aujourd'hui je suis descendu à 0 degrés. Et oui, c'est la vie. Nyon, nyon, nyon, nyon, nyon. Je comprends maintenant que tout prend fin ici-bas, même l'amour le plus tendre. Adios, Tania. Ignore, ignore, ignore, ignore. We'll be right back.